T'as commencé avec ton opération. Se connecter par la pensée à dire votre fin. Non. Notre fin. Enfin, la fin. La fin de l'humanité. Mais le début de l'humanité. Ils nous ont poussés dans la dernière tranche. Discrimination, racisme, violence, colère du sexe, exacerbation de notre aliénation. Des kilos de cam vendus, échangés contre hommes, femmes et enfants. L'humain devenu la dent est la plus banale qui soit. Viol, meurtre, excision, prostitution, trafic d'organes, snafouise, proxénétisme infantile. Notre société dépustée de toute moralité, avec ou sans puberté. Et finalement, tout ça ne comptait pas, car une société ne peut pas corrompre. Force a été de constater que nous n'allons pas mieux quand, après l'explosion, nous sommes entre dévorés. Et dans le chaos ambiant, c'est parti comme un murmure, comme un cri, aussi dissonant qu'une explosion, une parfaite détonation, comme un boom, un simple boom. Et le boom fier. Maintenant, tout est reconstruit. Si ça va aller mieux, je ne sais pas. Après tout, une société ne peut pas corrompre qui est déjà corrompu. Chaos ambiant, c'est parti comme un murmure, comme un cri, aussi dissonant qu'une explosion, une parfaite détonation, comme un boom, un simple boom, le boom final.